إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى أهله الطيبين الطاهرين وأصحابه المر الميامين إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرني وأحبتي من النار عباد الله معشر الصالحين والصالحات لنفتح مسامع قلوبنا إلى ربنا جل وعلا وهو يقول أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور حديثي إليكم معشر الصالحين وحديث من القلب إلى القلب عن القلب حديث عن هذه المضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله حديثي إليكم عن القلب يقول فيه الله جل وعلا أنه هو أن سلامته هي المخرج الوحيد والنجاة أمام الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم القلب الذي ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاحه وصلاح الإيمان فقال في الحديث الصحيح لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه معشر الصالحين في القرآن يقول سادتنا العلماء 122 آية تتحدث عن القلب وعن خطورة القلب وعن وظائف القلب فهو أيها الصالحون ليس فقط هذا المضخة التي تضخ الدم إلى الرئتين للتصفية ثم إلى باقي أعضاء الجسم بل عنده وظائف كثيرة القلب هو محل الإيمان والهداية يقول الله جل وعلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومكان الحب أو البغض يقول الله جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قلب المؤمن كله رأفة ورحمة، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، امتدحهم الله لأن في قلوبهم الرأفة والرحمة، ولكن كانت عندهم رهبانية ابتدعوها. قال الله: ما كتبناها عليهم. القلب هو الذي يفهم، وهو الذي يتدبر، وهو الذي يعقل. أفلا يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها؟ يقول الله جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب محل الطمأنينة، قلب المؤمن مطمئن بذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب إن غفلنا عنه يصبح مكان الغفلة والزيغ والعياذ بالله والشهوات. يقول الله جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول حاكيا عن الصالحين في دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أيها الإخوة والأخوات، mes chers frères, mes chères sœurs, mon discours, mes paroles pour vous, au moins j'espère que ce soit des paroles venant de mon cœur à vos cœurs, à propos du cœur. Je vais vous parler de cœur, ce morceau de viande, ce morceau de chair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: s'il est bon, tout le corps est bon. Et s'il est mauvais, tout le corps est mauvais. Ce morceau de chair, de cœur, on va trouver 122 versets du Coran qui parlent du cœur, de l'importance du cœur, des fonctions du cœur. Le cœur, ce n'est pas uniquement cette pompe qui propulse du sang vers les organes vitaux, ou bien tous les organes. Il a plus que ça comme fonction, cité dans les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cœur, mes chers frères, mes chères sœurs, Allah azza wa jalla nous dit, texto, si on s'intéresse, on le purifie, ça sera notre seul secours devant Allah azza wa jalla. Yawm la yanfa'u malun wa la banun. Ce jour-là, le jour de là, le jour de l'au-delà, il ne me sera ni à moi, ni à toi bénéfique, ni notre argent, ni nos enfants, sauf si on vient vers Allah azza wa jalla, et qalbin salim, avec un cœur sain, avec un cœur propre. Ce cœur, mes chers frères, mes chères sœurs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit et nous a averti que notre foi ne peut être bonne, ne peut être correcte, que c'est le cœur est correct. Il dit la foi de votre foi, ou bien la foi de l'un d'entre vous, ne peut être correct que si son cœur est correct. Et son cœur ne peut être correct que si sa langue est correcte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre cette relation intrinsèque entre la foi et le cœur, et entre le cœur et la langue. Ce cœur, il a beaucoup plus de fonctions. On sait aujourd'hui, même la médecine avec son évolution, il sait bien, les médecins savent bien que le cœur n'est pas uniquement cette pompe qui envoie du sang et qui reçoit du sang. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Au contraire, c'est l'un des organes. Il y a beaucoup plus de secrets à comprendre. Avec maintenant qu'on transplante des cœurs d'un mort dans un, de quelqu'un qui doit mourir dans un cœur de vivant. Vous pouvez voir ça, c'est quelque chose d'étrange chez les médecins. Quand ils parlent que la personne qui reçoit un cœur d'un autre humain, il ne reçoit pas qu'un cœur. Il reçoit des émotions, il reçoit de l'amour, il reçoit de la peur. Beaucoup de témoignages des gens, des receveurs de cette, des cœurs des autres, témoignent que d'un jour à l'autre, ils commencent à aimer des nourritures qu'avant ils détestaient. Ils commencent à voir des émotions qu'avant ils ne les avaient pas. Et on sait avec cette découverte que le cœur, il a beaucoup plus de fonctions. Mais dans le Coran, à travers les 122 versets du Coran, il nous dit que ce cœur, c'est le siège de la foi, de la guidance ou de la mécréance et de l'hypocrisie. « وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْلِ قَلْبًا » Celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. C'est le siège de l'amour. Allah Azza wa Jalla dit وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. C'est Allah qui vous a fait aimer la foi et qui l'a embellie dans vos cœurs. Le cœur du croyant est là qu'on fonctionne, il est plein de miséricorde et de bonté. Allah Azza wa Jalla faisant l'éloge des disciples de Isa alayhi salam, du prophète Jésus alayhi salatu wa salam, il dit وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمْ. On a mis dans leur cœur, dans les cœurs de ceux qui l'ont suivi, et قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ, une bonté, une douceur, une miséricorde. Mais malheureusement, ils ont rajouté avec ça, et un nasset qu'on leur a, qu'ils ont inventé, on ne leur a pas demandé. Ils ont cherché la satisfaction d'Allah, mais ils ont été égarés par Shaytan wa l'ayyadu billah. Il nous dit le Coran que c'est ce cœur qui comprend. C'est ce cœur qui réfléchit. Afala yatadabbarun al-Qur'an. Ne méditent-ils pas sur ce Coran? Ou bien est-ce qu'ils ont des cadenas sur leur cœur pour qu'ils ne comprennent pas? Il nous dit aussi que ce cœur, c'est le siège, le cœur des croyants, de la quiétude. Et cette quiétude ne peut être qu'avec le rappel intime d'Allah Azza wa Jalla. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ceux qui croient et que leur cœur se stabilise, se tranquillise avec l'évocation de Allah, n'est-ce pas qu'avec les vocation d'Allah, que le cœur se tranquillise. Si on ne prend pas soin de nos cœurs, c'est la porte ouverte à l'insouciance et aux passions interdites. Allah Azza wa Jalla nous dit, nous invite à s'asseoir avec les gens qui évoquent Allah Azza wa Jalla. Et on nous dit surtout, n'écoutez pas les gens qui vous détournent de ces cercles. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. Et sachez que ces gens-là, Allah, il a distrait leur cœur sur le rappel, à propos du rappel d'Allah Azza wa Jalla. Ils ont suivi aucun argument, sauf leur passion. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْضًا. Il dit, à propos des gens vertueux, dans leur dua qui est cité dans le Coran, رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا. Seigneur Dieu, Seigneur Allah, ne détourne pas, ne dévie pas nos cœurs après de nous avoir guidés. Ce cœur, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est ses fonctions et autres qui sont mentionnées dans le Coran. Vous savez tous, si on l'a dit, peut-être je l'ai dit une fois ou deux dans cette mosquée, j'ai eu cette idée de vous parler du cœur parce que dans cette mosquée, je fais cette série éducative, l'éducation des enfants, les priorités à travers cette sourate 31 et ce modèle qui est l'Oqman al-Hakim, par l'occasion que je vous invite, Inch'Allah, à participer à beaucoup d'enseignements, Inch'Allah, à tirer. Et c'est ce l'Oqman Al-Hakim, le sage, alors qui est enfant, Luqman, alors qui est berger, qui est esclave, son maître lui dit, Luqman, va immolim bête et ramène-moi les organes les meilleurs dans cette, ce qui est le plus beau, plus bon dans cette bête. Et Luqman exécute l'or et ramène dans une assiette le cœur et la langue. Et lui dit, maintenant, je veux, et à Luqman, que tu me ramènes la chose la plus mauvaise de cette bête. Et Luqman ramène le cœur et la langue. Le maître cherche la sagesse de cette, de ce qu'il a fait Luqman. Et Luqman, al-Hakim, lui dit, maître, la yujadu atiyabu min al-qalbi wal-lisan ila baba. Dans ce monde, dans cette vie, il n'y a pas plus bon qu'un cœur et une langue si on fait des efforts pour les purifier. Il n'y a pas plus mauvais. Il n'y a pas pire qu'un cœur et une langue délaissés. Un cœur et une langue qui n'a pas été purifié. Nasallahu alayhi wa sallam yasukhana qalban shakila wa lisanan dakila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا السيد ولد ادم اجمعين اللهم صل عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميامين الى يوم الدين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين معشر الصالحين والصالحات كان النبي صلى الله عليه وسلم مما صح من دعائه يقول وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا والآية التي نقرأها وكثير من الأئمة يقرأها من يبدأ صلاة الجمعة لأن هذه تسمى خطبة الحاجة التي كان يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم كل خطبه يقول في الله عز وجل وأتمنى أن تفتح قلوبكم لهذا الكلام يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم أمران من عند الله عز وجل أمر جمع ويش الأولى تصلح قلبك بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على التقوى أشار إلى قلبه وقال التقوى ها هنا التقوى ها هنا اشتهر على قلبك هذه مسؤوليتك اشتهر على لسانك هذه مسؤوليتك اذا اجتهدت على هذا وقال لك الله عز وجل انا من ساصلح لك اعمالك ربما كاين شي اعمال شي ذنوب شي معاصي انت ما قادر تخلى عليها قال لك اهتم بامران قلبك ولسانك ويقول الله سبحانه عز وجل في آية أخرى بنفس السيرة ولكن كلام آخر يقول لك إذا خفت على وليداتك إذا خفت على وليداتك بعد الموت يضيعوا ما عندكش تخلي لهم الأموال يقول لك إيش تخلي لهم يقول الله جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم إيش معنى يا رب إذا خفنا من خلي ذرية ضعاف قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا اتق الله وقل قولا سديدا هنا قصة جميلة تروى عن مقاتل بن سليمان هذا رجل كان من العلماء دخل رجل على مرة عن الخليفة المنصور يالله بويع المنصور مشى معي فالمنصور قال له عذنا أعطيني شي موعظة قال له يا أمير المؤمنين أعدك بما رأيت أم بما سمعت واش نعطيك الموعظة بشي حاجة اللي كتشوفها قدامك ولا سمعت عليها قال له بما رأيت قال له يا أمير المؤمنين إن عمر بن عبد العزيز أنجب ذرية وترك مالا سيدنا عمر بن عبد العزيز خلى الأولاد وخلى 18 دينار كفنا بست بخمس دنانير واشتري له قبر بأربع دنانير ووزع الباقي على أبنائه وهشام بن عبد الملك يعمل مقارنة عمر بن عبد العزيز و وهشام بن عبد الملك أنجب ذرية وترك أموالا، وكان نصيب كل ولد من التركة ألف دينار. هشام بن عبد الملك، سيدنا عمر بن عبد العزيز، بن ميمون جاو لعمه، قالوا له ما تركش، شنو خليك لولادك؟ قال لهم ودي مسألة سهلة، تركت لهم تقوى الله، فإن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلن أترك لهم ما يعينهم على معصية الله. إذا كانوا أولادي صالحين الله يتولى الصالحين، وإذا كانوا فاسدين ما نخليهمش أموال يخدموا الفلوس اللي تعبت عليهم أنا باش يحصلوا الناس. هذا هو الذكاء. هشام بن عبد الملك ترك أموال ضائلة، فيقول له هذا العالم، قال له كل واحد قال مليون دينار أموال ضائلة. قال والله يا أمير المؤمنين لقد رأيت في يوم واحد أحد أبناء عمر يتصدق بمئة فارس وأحد أبناء هشام يتسول في الأسواق. أنا شفت في يوم واحد الله ولاني ولا سيدنا واحد ولا سيدنا ابن عبد العزيز يتصدق بمئة فارس بمئة فرس، وأولاد هشام هذا اللي خلى لهم الملايين كيسعف الأسواق، أبناء أمين يسعف الطريق، مش خير مش شر، سي كوا نوتر دوفوار؟ لو كور إلا سي فونكسيون، مون دوفوار دون سي في، سي با لي كور دي زوطر، سي با لا لانغ دي زوطر. الله يبقى بوزي دي كيسيون سور لوطر، سكي فوزي. Malheureusement, Shaitan, Adoullah, il nous fait distraire sur ma vraie fonction dans cette vie, qui est mon cœur et ma loi, et de ceux qui sont sous ma responsabilité, ma femme, mes enfants, mes proches. Il nous distrait, on commence à penser aux autres. L'autre, il est comme ci, l'autre, il est comme ça. Alors que l'histoire de Luqman, il nous dit que ces deux organes les plus importants sont le cœur et la langue. S'ils sont bons, tout le cœur est bon. Ça veut dire, moi en tant que musulman, mon devoir, c'est de purifier ces deux organes et la relation intrinsèque entre le cœur et la langue. Entre ce qui est dans le cœur et ce qui est dans la langue, il est vraiment très important. Le cœur, mon rôle, c'est de le purifier avec la foi, avec l'amour, avec l'Ikrullah subhanahu wa ta'ala, avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le purifier de la mécréance, de l'hypocrisie, de l'orgueil, de la méchanceté, de la jalousie, et la langue, l'embellir avec la véracité dans la parole, la douceur, la bonté et la bonté. Et je vais purifier mon cœur du mensonge, la médisance, de tous ses défauts. C'est ça, on va être jugé. Tous les gens ne peuvent pas dire le contraire. Il n'y a pas un savant dans le monde qui peut te dire que tu seras jugé sur ça, pas sur ce qu'ils font les autres, etc. Mes chers frères, mes chères sœurs, je finis par vous rappeler l'importance de la langue, parce que le temps nous a attrapés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le beau mot, la belle parole, c'est comme un arbre solide, bien enraciné, qui donne ses fruits tout le temps. Les fruits, c'est les œuvres. La bonne parole, Allah dit dans le Coran, c'est un arbre bien enraciné. Une mauvaise parole, de méchanceté, eh bien, il dit, c'est comme un arbre déraciné. Instable. Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa farruha fi as-samaa tu'ti ukulaha kulli hinin bi idhni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin كشجرة خبيثة جثت من فوق الأرض ما لها من قرار Allah Azza wa Jal nous donne un ordre très clair et à notre bien. Wa qulu lin nasi husna. Dites les belles paroles aux gens. Ismaël, il t'a pas dit dire aux musulmans, dire quoi? Lin nas. Qu'est-ce que ça dit lin nas? Qulu lin nas. Le musulman, le chrétien, le juif, l'athée, celui qui t'aime, celui qui t'aime pas, celui qui te parle bien, celui qui te parle pas bien, toi le croyant que tu connais l'importance et le danger de la langue, dites aux gens des belles paroles. Wa qul li ibadi, dans un autre verset, avec beauté et bonté et amour, dis à mes serviteurs qu'ils disent allati hiya ahsan. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire c'est tard, tu parles avec quelqu'un et tu as deux manières de parler. Choisis la meilleure des manières. قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ كُوْبَ يَا اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَرُ بَيْنَهُ. Parce que c'est l'entrée de Shaitan, c'est la langue. Parce que Shaitan, il cherche la division entre eux à travers cette langue, à travers la langue. إِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ. Vers lui augmente les belles paroles. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Ittaquna, craignez ce feu de l'enfer avec des dons, ne serait-ce que la moitié des têtes. Si vous ne trouvez pas, avec la bonne parole. Il nous dit que cette bonne parole, c'est une sadaqa. Tout ce que je vous suis en train de vous réciter, c'est un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit que la question du mot qui sort par la langue, il a une relation avec ta foi et ta croyance. Que celui qui croit vraiment en Allah et au jour du jugement, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et je finis, mes chers frères, mes chers sœurs, par ce hadith. Je vais le dire en français, puis en arabe, et en clôture cette rencontre avec vous. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne peut dire un mot dans l'agrément de Allah sans se rendre compte, sans réfléchir, qu'il peut lui valoir l'agrément de Allah jusqu'au jour du jugement. Une personne, il peut dire un mot dans le désagrément d'Allah, qui lui attire la colère de Allah et qui lui fait, iyadan billah, descendre dans le feu d'enfer 70 années. Pourquoi le prophète s'en dit sans se rendre compte? C'est la responsabilité d'éduquer nos langues. Parce que quand ta langue est éduquée, même quand tu es fâché, même tu es en colère, il sortira que des paroles correctes. Tu peux être en colère, tu es un être humain. Et si tu veux voir la foi, tester la foi de quelqu'un, c'est quand il est en colère. Regarde ce qui sort de sa langue. Il y a des frères, des sœurs, malheureusement, dont l'apparence c'est la foi, mais dès qu'ils sont en colère, ils parlent coffre, ils parlent mécréance, ils sortent de l'islam parce qu'ils sont en colère. C'est pour cela, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les instants. Mais rappelez-vous, c'est un travail sur mon cœur, pas sur les cœurs des autres. Nasallahu alayhi wa sallam, anouliyakum ma'akum. Wa j'alana minal ladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. J'ai dit que je vais dire ce hadith en arabe, mais je ne l'ai pas dit, je vais le dire quand même parce que je me suis rappelé. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم حديث صحيح إن العبد وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بادا ترفعه درجات وإما يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بادا تهوي به في النار 70 خليفا نسأل الله العفو والعافية اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده سالما ومن كل شر معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار يا عزيز يا غفار اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم يا رب العالمين ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا ارحمنا بأجر فواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين واشف مرضى العالمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم المبتلين. اللهم يا رب العالمين الطف بعبادك. اللهم انزل رحمتك وهدايتك. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد صفهم. اللهم طهر القلوب وطهر الألسنة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. ونسألك شكر نعمتك. ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. ونسألك قلبا سليما. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم إنك أنت علام الغيوب. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.